ellesem auf Kalahidan, o Gelhemene, ike moje, hat, hat mich gehofte. Ay temes alle kamati ha, ay da yeso kalahna. Dolceme ahim atakal habana soh halta hil eden ojleme ah. Oh hay hella hamde helleyma, oh ha helleyma, oh ha hay no hay no have a nice home. Oh, les nécessités mêmes qui dans un avenir que nous espérons très proche, pourront susciter les nécessités d'être français. En effet, pourquoi français? Maintenant, parce que c'est maintenant qu'il faut agir. Il faut agir. Pourquoi? Parce qu'il faut maintenant. Pourquoi? Parce qu'il faut maintenant se poser les vraies questions. Et ces questions sont celles de l'avenir. Pourquoi l'avenir? Parce que c'est ce que nous avons devant nous. Et ces questions sont celles de l'avenir.